Je ne compte plus mes tares car j'évolue trop à l'écart. L'état du monde m'échappe et j'articule des je ne sais pas. Chaque fois que démarre un quelconque débat d'idées politiques, sociales, culture générale, je suis à la masse totale. M'en décalé, j'ai pas les bases, je me sens largue et grave. Et si je m'en veux d'un côté, j'avoue que la part paresseuse de moi, quand n'a rien à péter, sort souvent victorieuse et me concentre sur mon propre train-train, encourageant la moisissure. Si je ne fais rien, je sais qu'elle m'aura à l'usure, mais je fuis. Cherche le confort, lutte contre l'ennui, enchaîne films et consoles, spliff et alcool, histoire de vivre sans bouger, vibrer, kiffer, rire, exciter. Et même si c'est pas drôle qu'artificiels sont les arômes, que ça me coupe du monde réel et que j'en éprouve la honte, c'est vrai. Mais au fond j'y trouve mon compte, j'espère ne pas faire fausse route, à me laisser bercer par les flots comme un rat dans la soupe. Non, je voudrais percer par les mots carrément, plein de rêves comme un vrai môme. J'agrémente ma jeunesse comme je peux, appréciant qu'elle se pimente un petit peu par moment. Sinon ma vie tranquille en autarcie avec mes potes, c'est peut-être triste à dire, mais disons que je m'en satisfais. Petit à petit, je me suis replié, ascétique, je n'ai plus que mon encrier. Impassible, j'observe mon scaphandrier se fendiller, présageant l'asphyxie. Désensibilisé, je n'attends rien ici, les seules choses que j'aimerais dire sont indicibles. Je ne lis plus, ne me renseigne plus, ne m'intéresse plus, tous mes superflus me sentant de plus en plus déphasé, dépassé, effacé, n'alimentant plus les brasiers. Serais-je en train de me vider de mes penchés? Mes textes tournent en rond à l'image de mes pensées. Ce que j'ai changé, à moins que je n'ai toujours été creux et chancré, habillant le vide par des discours superficiels, en quête de quelques savoirs, de quelques ficelles. Peut-être ai-je toujours été un pantin inconsistant, que ce que j'avais à dire n'était qu'un fade condiment pour dissimuler le goût de ma substance réelle, ce vide insipide que chaque jour me révèle.